11 septembre, rue Touillet. C'est donc ici que les gens viennent pour vivre. Je serais plutôt tenté de croire que l'on meurt ici. Je suis sorti, j'ai vu des hôpitaux, j'ai vu un homme qui chancelait et ça fait ça. Les gens s'assemblèrent autour de lui et m'épargnèrent ainsi la vue du reste. J'ai vu une femme enceinte. Elle se traînait lourdement le long d'un mur haut et chaud et étendait de temps à autre les mains en tâtonnant, comme pour se convaincre qu'il était encore là. Oui, il y était encore. Et derrière lui, je cherchais sur mon plan, maison d'accouchement. Bien, on la délivrera, rien ne s'y oppose. Plus loin, rue Saint-Jacques, un grand bâtiment avec une coupole. Le plan indique Val-de-Grâce, hôpital militaire. Je n'avais d'ailleurs pas besoin de ce renseignement, mais peu importe. La rue commença à dégager de toutes parts des odeurs. Autant que je pouvais distinguer, cela sentait l'iodoforme, la graisse de pommes frites. La peur. Toutes les villes sentent en été. Puis j'ai vu une maison singulièrement aveugle. Je ne la trouvais pas sur mon plan. Mais je vis au-dessus de la porte une inscription encore assez lisible. Asile de nuit. À côté de l'entrée étaient inscrits les prix. Je les ai lus. Ce n'était pas cher. Et puis, j'ai vu un enfant dans une voiturette arrêtée. Il était gros, verdâtre, et avait visiblement une éruption sur le front. Elle guérissait apparemment et ne le faisait pas souffrir. L'enfant dormait. Sa bouche était ouverte et respirait l'iodoforme, l'odeur des pommes frites, de la peur. C'était ainsi. Voilà tout. L'important était que l'on vécût. Oui, c'était là l'important. Dire que je ne peux pas m'empêcher de dormir à la fenêtre ouverte. Les tramways roulent en sonnant à travers ma chambre. Des automobiles passent sur moi. Une porte claque. Quelque part, une vitre tombe en cliquetant. J'entends le rire des grands éclats, le gloussement léger des paillettes. Puis soudain, un bruit sourd, étouffé, de l'autre côté, à l'intérieur de la maison. Quelqu'un monte l'escalier, approche, approche sans arrêt. Est là, est longtemps là, passe. Et de nouveau la rue. Une femme crie « Ah, tais-toi, je ne veux plus !» Le tramway électrique accourt, tout agité, passe par-dessus, par-delà tout. Quelqu'un appelle. Des gens courent, se rattrapent. Un chien aboie. Quel soulagement, un chien. Vers le matin, il y a même un coq qui chante. Et c'est un délice infini. Puis, tout à coup, je m'endors. Cela, ce sont les bruits. Mais il y a quelque chose ici qui est plus terrible, le silence. Je crois qu'au cours des grands incendies, il doit arriver, ainsi, parfois, un instant de tension extrême. Les jets d'eau retombent. Les pompiers ne montent plus à l'échelle. Personne ne bouge. Sans bruit, une corniche noire s'avance, là-haut, et un grand mur derrière lequel le feu jaillit s'incline sans bruit. Tout le monde est immobile et attend, les épaules levées, le visage contracté sur les yeux, le terrible coup. Tel est ici le silence. J'apprends à voir, je ne sais pas pourquoi, tout pénètre en moi plus profondément, et ne demeure pas où, jusqu'ici, cela prenait toujours fin. J'ai un intérieur que j'ignorais, tout y va désormais, je ne sais pas ce qui s'y passe. Aujourd'hui, en écrivant une lettre, j'ai été frappé du fait que je ne suis ici que depuis 3 semaines. 3 semaines, ailleurs, à la campagne par exemple, cela semblait un jour. Ici, ce sont des années. Du reste, je ne veux plus écrire de lettres. À quoi bon dire à quelqu'un que je change? Si je change, je ne suis plus celui que j'étais. Et si je suis autre que je n'étais, il est évident que je n'ai plus de relations. Et je ne peux pourtant pas écrire à des étrangers, à des gens qui ne me connaissent pas. L'ai-je déjà dit? J'apprends à voir. Oui, je commence. Cela va encore mal, mais je veux employer mon temps. Je songe, par exemple, que jamais encore je n'avais pris conscience du nombre de visages qu'il y a. Il y a beaucoup de gens, mais encore plus de visages, car chacun en a plusieurs. Voici des gens qui portent un visage pendant des années. Ils s'usent naturellement, se salissent, éclatent, se rident, s'élargissent comme des gants qu'on a portés en voyage. Ce sont des gens simples, économes. Ils n'en changent pas, ils ne le font même pas nettoyer. Il leur suffit, disent-ils, et qui leur prouvera le contraire, sans doute puisqu'ils ont plusieurs visages, peut-on se demander ce qu'ils font des autres? Ils les conservent. Leurs enfants les porteront. Il arrive aussi que leurs chiens les mettent. Pourquoi pas? Un visage est un visage. D'autres gens changent de visage avec une rapidité inquiétante. Ils essaient l'un après l'autre et les usent. Il leur semble qu'ils doivent en avoir pour toujours. mais ils ont à peine atteint la quarantaine que voici déjà le dernier. Cette découverte comporte, bien entendu, son tragique. Ils ne sont pas habitués à ménager des visages. Le dernier est usé après 8 jours, troué par endroits, mince comme du papier, et puis peu à peu apparaît alors la doublure, le non-visage, et ils sortent avec lui. Mais la femme, elle était tout entière tombée en elle-même, en avant, dans ses mains. C'était à l'angle de la rue Notre-Dame-des-Champs. Dès que je la vis, je me mis à marcher doucement. Quand de pauvres gens réfléchissent, on ne doit pas les déranger. Peut-être finiront-ils encore par trouver ce qu'ils cherchent. La rue était vide, son vide s'ennuyait, retirait mon pas de sous mes pieds et claquait avec lui, de l'autre côté de la rue comme avec un sabot. La femme s'effraya, s'arracha d'elle-même, trop vite, trop violemment, de sorte que son visage resta dans ses deux mains. Je pouvais l'y voir, y voir sa forme creuse. Cela me coûta un effort inouï de rester à ses mains, de ne pas regarder ce qui s'en était dépouillé. Je frémissais de voir ainsi un visage du dedans, mais j'avais encore bien plus peur de la tête nue, écorchée, sans visage. J'ai peur. Il faut faire quelque chose contre la peur, quand elle vous tient. Ce serait trop terrible de tomber malade ici, et si quelqu'un s'avisait de me faire porter à l'Hôtel-Dieu, j'y mourrais certainement. C'est un hôtel bien agréable, très fréquenté. On peut à peine regarder la façade de Notre-Dame de Paris sans courir le danger de se faire écraser par l'une des nombreuses voitures qui traversent le parvis, le plus vite possible pour pénétrer là-dedans. Petit somnibus qui sonne sans discontinuer. Le duc de Sagan lui-même devrait faire arrêter son équipage, pour peu que l'un de ses petits mourants se fût mis en tête d'entrer tout droit dans l'hôtel de Dieu. Les mourants sont têtus, et tout Paris ralentit quand Madame Legrand, brocanteuse de la rue des Martyrs, s'en vient en voiture vers certaines places de la cité. Il est à remarquer que ces petites voitures endiablées ont des vitres opaques terriblement intrigantes, derrière lesquelles on peut se représenter les plus belles agonies. La fantaisie d'une concierge y suffit. Que si l'on a plus d'imagination, et qu'on la laisse se développer dans d'autres directions, le champ des suppositions devient véritablement illimité. Mais j'ai vu arriver aussi des fiacres ouverts, des voitures de place à l'heure, la capote levée, qui roulait au tarif habituel, à 2 francs l'heure d'agonie. Cet excellent hôtel est très ancien. Déjà à l'époque du roi Clovis, on y mourait dans quelques lits. À présent, on y meurt dans 559 lits. En série, bien entendu. Il est évident qu'en raison d'une production aussi intense, chaque mort individuelle n'est pas aussi bien exécutée. Mais d'ailleurs, cela importe peu. C'est le nombre qui compte, qui attache encore du prix à une mort bien exécutée. Personne, même les riches qui pourraient cependant s'offrir ce luxe, ont cessé de s'en soucier. Le désir d'avoir sa mort à soi devient de plus en plus rare. Quelque temps encore, et il deviendra aussi rare qu'une vie personnelle. C'est que, mon Dieu, tout est là. On arrive, on trouve une existence toute prête. On n'a plus qu'à la revêtir. On veut repartir, ou bien l'on est forcé de s'en aller. Surtout pas d'effort. Voilà votre mort, monsieur. On meurt tant bien que mal. On meurt de la mort qui fait partie de la maladie dont on souffre. Car depuis qu'on connaît toutes les maladies, on sait parfaitement que les différentes issues mortelles dépendent des maladies et non des hommes. Et le malade n'a pour ainsi dire plus rien à faire. Dans les sanatoriums, où l'on meurt si volontiers, et avec tant de reconnaissance pour les médecins et les infirmières, on meurt habituellement d'une des morts qui sont attachées à la maison. C'est très bien considéré. Quand on meurt chez soi, il est naturel qu'on choisisse cette mort polie de la bonne société, par laquelle on inaugure déjà, en quelque sorte, un enterrement de première classe, et toute la suite de ces admirables traditions. Les pauvres s'arrêtent alors devant ces maisons et se rassasient de ces spectacles. Leur mort à eux est, bien entendu, banale, sans le moindre embarras. Ils sont heureux d'en trouver une qui leur aille à peu près. Elle peut être trop large, on grandit toujours encore un peu. Ce n'est que lorsqu'elle ne se ferme pas sur la poitrine ou qu'elle vous étrangle qu'on a de la peine. Quand je repense à chez nous, où il n'y a plus personne à présent, il me semble toujours qu'il a dû en être autrement jadis. Jadis, l'on savait, ou peut-être s'en doutait-on seulement, que l'on contenait sa mort comme le fruit, son noyau. Les enfants en avaient une petite, les adultes une grande, les femmes la portaient dans leur sein, les hommes dans leur poitrine. On l'avait bien, sa mort, et cette conscience vous donnait une dignité singulière, une silencieuse fierté. Mon grand-père encore, le vieux chambellan Brigue, portait, cela se voit, sa mort en lui. Et quelle mort, longue de 2 mois et si éclatante, qu'on l'entendait jusque dans la métairie. La vieille et longue maison de maître était trop petite pour contenir cette mort. Il semblait qu'on dût y ajouter des ailes, car le corps du chambellan grandissait de plus en plus. Il voulait être porté sans cesse d'une pièce à l'autre, et éclatait en des colères terribles lorsqu'il n'y avait plus de salle où le porter, et que le jour ne touchait pas encore à sa fin. Alors il fallait, avec toute la suite de domestiques, de femmes de chambre et de chiens, qu'il avait toujours autour de lui, le porter en haut de l'escalier, et en laissant le pas à l'intendant, on envahissait la chambre mortuaire de sa très sainte mère, conservée exactement dans l'état en lequel la morte l'avait, depuis 23 ans, quittée, et où personne n'avait jamais pénétré. Mais toute la meute à présent y faisait irruption. On tirait les rideaux, et la lumière robuste d'une après-midi d'été examinait tous ces objets timides et effarouchés, et tournait maladroitement dans les glaces brusquement rouvertes. Et les gens n'en prenaient pas moins à leur aise. Il y avait des soubrettes qui, à force de curiosité, ne savaient plus où s'attardaient leurs mains, de jeunes domestiques qui ouvraient de grands yeux sur tout, et d'autres plus vieux qui allaient et venaient, et essayaient de se rappeler ce qu'on leur avait raconté de cette chambre close, où ils avaient enfin aujourd'hui le bonheur de pénétrer. Mais c'est aux chiens surtout que le séjour dans une chambre, où tous les objets portaient une odeur, semblait singulièrement attachant. Les grands et minces lévriers russes circulaient d'un air très absorbé derrière les fauteuils, traversaient la pièce d'un pas de danse allongé, avec une légère ondulation, se dressaient comme des chiens héraldiques, et de leurs pattes fines posées sur la coudoire, d'une blancheur dorée, le front tiré et le museau attentif, regardaient à gauche et à droite dans la cour. De petits bassets couleur de gants jaunes, l'air indifférent comme si tout était normal, étaient assis dans le large fauteuil de soie auprès de la fenêtre, et un chien d'arrêt rubicant, à l'air grondeur, en se frottant le dos à l'arête d'un guéridon au pied doré, faisait trembler des tasses de sèvres sur la table peinte. Oui, ce fut une époque terrible pour ces objets distraits et somnolents. Il arrivait que des pétales de rose, qui s'étaient échappés d'un vol incertain, avec une hâte maladroite, fussent piétinés. On empoignait de petits, de faibles objets, qu'on replaçait vite, parce qu'ils se brisaient aussitôt. On en cachait d'autres, abîmés sous les rideaux, ou encore derrière le treillis doré du pare-étincelle. Et de temps à autre, quelque chose tombait d'une chute étouffée par le tapis. Tombait avec un bruit clair sur le parquet dur, éclatait, se brisait ici et là, ou se rompait presque sans bruit, car ces objets, gâtés comme ils l'étaient, ne supportaient aucune chute. Et si quelqu'un s'était avisé de demander quelle était la cause de tout cela, et qui avait appelé sur cette chambre longtemps surveillée avec inquiétude tous les froids de la destruction, il n'y aurait eu à cette question qu'une réponse, la mort. La mort du chambellan Christophe Detlev, Brigue à Ulsgar, car il était étendu, débordant largement de son uniforme bleu foncé sur le plancher, au milieu de la chambre et ne bougeait plus. Dans son grand visage étranger que personne ne reconnaissait, les yeux s'étaient fermés. Il ne voyait plus ce qui arrivait. On avait d'abord essayé de l'étendre sur le lit, mais il s'en était défendu, car il détestait les lits depuis ses premières nuits où son mal avait grandi. Le lit d'ailleurs s'était montré trop court, et il n'était pas resté d'autre ressource que de le coucher ainsi sur le tapis, car il n'avait plus voulu redescendre. Et voici qu'il était étendu, et qu'on pouvait croire qu'il était mort. Comme il commençait à faire nuit, les chiens s'étaient, l'un après l'autre, retirés par la porte entrebâillée. Seul le Rubicant, à la tête maussade, était assis auprès de son maître. Et l'une de ses larges pattes de devant, aux poils touffus, était posée sur la grande main grise de Christophe Detlev. Les domestiques, pour la plupart, étaient dehors, dans le couloir blanc, qui était plus clair que la chambre. Mais ceux qui étaient restés à l'intérieur regardait parfois à la dérobée vers ce grand tas sombre, au milieu de la chambre, et désirait qu'il ne fût plus qu'un grand vêtement sur une chose corrompue. Mais il restait autre chose. Il restait une voix. Cette voix que 7 semaines auparavant, personne ne connaissait encore. Car ce n'était pas la voix du chambellan. Ce n'était pas à Christophe Detlev qu'appartenait cette voix, mais à la mort de Christophe Detlev. La mort de Christophe Detlev vivait à présent à Ulsgar. Depuis déjà de longs, de très longs jours, et parlait à tous, et demandait. Demandait à être porté, demandait la chambre bleue, demandez le petit salon, demandez la grande salle, demandez les chiens, demandez qu'on rit, qu'on parlât, qu'on joie, qu'on se tue, et tout à la fois. Demandez à voir des amis, des femmes et des morts, et demandez à mourir elle-même, demandez, demandez et criez. Car lorsque la nuit était venue et que, fatigués, ceux des domestiques qui ne devaient pas veiller essayaient de s'endormir, alors s'élevait le cri de la mort de Christophe Detlève. Il criait et gémissait. Il hurlait si longtemps et si continuellement que les chiens, qui d'abord avaient hurlé avec lui, finissaient par se taire et n'osaient plus se coucher, et debout sur leurs hautes et fines pattes tremblantes, avaient peur. Et lorsqu'au village, ils entendaient, par cette nuit d'été danoise, par cette pure et immense nuit d'argent, que cette mort hurlait, ils se levaient comme par un orage, s'habillaient et, sans mot dire, restaient assis autour de la lampe jusqu'au bout. Et l'on reléguait dans les chambres les plus reculées et dans les alcôves les plus profondes les femmes qui étaient près d'accoucher. Mais elles l'entendaient quand même, comme si elles eût crié dans leur propre corps, et elles suppliaient qu'on les laissât aussi se lever, et elles arrivaient, volumineuses et blanches, et s'asseyaient parmi les autres, avec leurs visages aux traits effacés. Et les vaches qui vêlaient en ce temps étaient impuissantes et misérables, et l'on dut arracher à l'une le fruit mort avec toutes les entrailles, lorsqu'il ne voulut pas venir. Et tous accomplissaient mal leur besogne, et oubliaient de ramener le foin, parce qu'ils passaient le jour à avoir peur de la nuit, et que, à force de veiller et de se lever en sursaut, ils étaient si fatigués qu'ils ne pouvaient plus se souvenir de rien. Et lorsque le dimanche ils allaient à l'église blanche et calme, ils demandaient dans leur prière qu'il n'y eût plus de seigneur à Ulsgard, car celui-ci était un seigneur terrible. Et ce que tous pensaient et priaient, le pasteur le disait à pleine voix du haut de la chaire, car lui aussi n'avait plus de nuit et ne comprenait plus Dieu. Et la cloche le répétait, car elle avait trouvé une terrible rivale, qui résonnait toute la nuit et contre laquelle, quand elle sonnait même de tout son métal, elle ne pouvait rien. Oui, tous le disaient. Et parmi les jeunes gens, il y en avait un qui avait tué le maître d'un coup de sa fourche. Et l'on était si révolté, si remué, que tous écoutèrent lorsqu'il raconta son rêve, et sans même s'en douter, tous le regardèrent pour voir s'il était vraiment capable d'un tel exploit. C'est ainsi que l'on sentait et que l'on parlait dans toute la région, où quelques semaines plus tôt, on l'avait trouvé, on avait encore aimé et plaint le chambellan. Mais bien qu'on parlât ainsi, rien ne changeait. La mort de Christophe Detlève, qui habitait Ulsgard, ne se laissait pas presser. Elle était venue pour 10 semaines et elle resta les 10 semaines bien comptées. Et pendant ce temps, elle était la maîtresse, plus que Christophe Detlève n'avait jamais été le maître. Elle était pareille à une reine, qu'on appelle la terrible, plus tard et toujours. Ce n'était pas la mort du premier hydropique venu, c'était une mort terrible et impériale, que le chambellan avait portée en lui et nourrie de lui, toute sa vie durant. Tout l'excès de superbe, de volonté et d'autorité, que même pendant ses jours les plus calmes, il n'avait pas pu user, était passé dans sa mort, dans cette mort qui à présent s'était logée à Ulsgard et galvaudait. Comment le chambellan Brigg eût-il regardé quiconque lui eût demandé de mourir d'une mort autre que celle-là? Il mourut de sa dure mort. Et lorsque je pense aux autres que j'ai vus et ou dont j'ai entendu parler, c'est toujours la même chose. Tous ont eu leur mort à eux. Ces morts qu'ils apportaient dans leur armure, à l'intérieur d'eux, comme un prisonnier. Ces femmes qui devenaient très vieilles et petites et avaient un trépas discret et seigneural sur un immense lit, comme sur une scène, devant toute la famille, la domesticité et les chiens rassemblés. Oui, les enfants même, jusqu'aux tout petits, n'avaient pas une quelconque mort d'enfant. Ils se rassemblaient et mouraient selon ce qu'ils étaient et selon ce qu'ils seraient devenus. Et de quelle mélancolique douceur était la beauté des femmes lorsqu'elles étaient enceintes et debout, et que leur grand ventre sur lequel, malgré elles, reposaient leurs longues mains, contenait deux fruits, un enfant et une mort. Leur sourire épais, presque nourricier dans leur visage aussi vidé, ne provenait-il pas de ce qu'elles croyaient quelquefois sentir croître en elles l'un et l'autre? J'ai fait quelque chose contre la peur. Je suis resté assis toute la nuit et j'ai écrit. À présent, je suis aussi fatigué qu'après un long chemin à travers les champs d'Ulsgard. Il m'est pourtant douloureux de penser que tout cela n'est plus, que des étrangers habitent cette vieille et longue maison de maître. Il est possible que dans la chambre blanche, en haut, sous le pignon, les bonnes dorment à présent, dorment de leur sommeil pesant, humide du soir jusqu'au matin. Et l'on n'a rien ni personne, et l'on voyage à travers le monde avec sa malle et une caisse de livres, et en somme sans curiosité. Quelle vie est-ce donc? Sans maison, sans objets hérités, sans chien, si du moins l'on avait des souvenirs. Mais qui en a? Si l'enfance était là, elle est comme ensevelie. Peut-être faut-il être vieux pour pouvoir tout atteindre. Je pense qu'il doit être bon d'être vieux. Aujourd'hui, nous avons eu une belle matinée d'automne. Je traversais les Tuileries. Tout ce qui était à l'est, en avant du soleil, éblouissait. La partie éclairée était recouverte d'un brouillard, comme d'un rideau gris de lumière. Grise dans la grisaille, les statues se chauffaient au soleil, dans les jardins encore voilés. Quelques fleurs isolées se levaient des longs parterres et disaient, rouge d'une voix effrayée. Puis un homme très grand et très svelte parut tournant l'angle du côté des Champs-Élysées. Il portait une béquille, non pas glissée sous l'épaule, il la portait devant lui, légèrement et de temps à autre la posait à terre, avec force et avec bruit, comme un caducé. Il ne pouvait réprimer un sourire joyeux, et souriait par-delà tout, au soleil, aux arbres. Son pas était timide, comme celui d'un enfant, mais d'une légèreté inaccoutumée, plein du souvenir d'une autre démarche. Ah, l'effet d'une petite lune, jour où tout est clair autour de nous, à peine esquissé dans l'air lumineux, et cependant distinct. Les objets les plus proches ont des tonalités lointaines, sont reculés, montrés seulement de loin, non pas livrés. Et tout ce qui est en rapport avec l'étendue, le fleuve, les ponts, les longues rues et les places qui se dépensent, a pris cette étendue derrière soi, et est peint sur elle comme sur un tissu soyeux. Il n'est pas possible de dire ce que peut être alors une voiture d'un vert lumineux sur le pont neuf, ou ce rouge si vif qu'on ne pourrait pas l'étouffer, ou même simplement cette affiche, sur le mur mitoyen, d'un groupe de maisons gris-perles. Tout est simplifié, ramené à quelques plans justes et clairs, comme le visage dans les portraits de Manet. Rien n'est insignifiant ou inutile. Les bouquinistes du quai ouvrent leurs boîtes, et le jaune frais ou fatigué des livres, le brun violet des reliures, le vert plus étendu d'un album, tout concorde, compte, tout prend part et concourt à une parfaite plénitude. J'ai vu dans la rue l'assemblage suivant. Une petite charrette à bras, poussée par une femme. Sur le devant est posé en longueur un orgue de Barbarie. En travers, sur l'arrière, un panier où un tout petit enfant, solidement planté sur ses jambes, a l'air tout joyeux sous son bonnet et ne veut pas se laisser asseoir. De temps en temps, la femme tourne la manivelle. Le petit se lève, aussitôt en piétinant dans son panier, et une petite fille, dans sa robe verte des dimanches, danse et bat du tambourin en l'élevant vers les fenêtres. Je crois que je devrais commencer à travailler un peu, à présent que j'apprends à voir. J'ai 28 ans, et il n'est pour ainsi dire rien arrivé. Reprenons. J'ai écrit une étude sur Carpaccio qui est mauvaise, un drame intitulé « Mariage », qui veut démontrer une thèse fausse par des moyens équivoques. Et des vers. Oui, mais des vers signifient si peu de choses quand on les a écrits jeunes. On devrait attendre et butiner toute une vie durant. Si possible, une longue vie durant. Et puis enfin, très tard, peut-être saurait-on écrire les 10 lignes qui seraient bonnes. Car les vers ne sont pas, comme certains croient, des sentiments. On les a toujours assez tôt. Ce sont des expériences. Pour écrire un seul vers, il faut avoir beaucoup vu de villes, d'hommes et de choses. Il faut connaître les animaux. Il faut sentir comment volent les oiseaux et savoir quels mouvements font les petites fleurs en s'ouvrant le matin. Il faut pouvoir repenser à des chemins dans des régions inconnues, à des rencontres inattendues, à des départs que l'on voyait encore approcher, à des jours d'enfance dont le mystère ne s'est pas encore éclairci, à ses parents qu'il fallait qu'on froissât lorsqu'ils vous apportaient une joie et qu'on ne la comprenait pas, c'était une joie faite pour un autre, à des maladies d'enfance qui commençaient si singulièrement partant de profondes et graves transformations, à des jours passés dans des chambres calmes et contenues, à des matins au bord de la mer, à la mer elle-même, à des mers, à des nuits de voyage, qui frémissaient très haut et volaient avec toutes les étoiles. Et il ne suffit même pas de savoir penser à tout cela. Il faut avoir des souvenirs de beaucoup de nuits d'amour, dont aucune ne ressemblait à l'autre, de cris de femmes hurlant en mal d'enfant, et de légères, de blanches, de dormantes accouchées, qui se refermait. Il faut encore avoir été auprès de mourants, être resté assis auprès de morts, dans la chambre, avec la fenêtre ouverte et les bruits qui venaient par à-coups, Et il ne suffit même pas d'avoir des souvenirs. Il faut savoir les oublier quand ils sont nombreux. Et il faut avoir la grande patience d'attendre qu'ils reviennent, car les souvenirs eux-mêmes ne sont pas encore ceux-là. Ce n'est que lorsqu'ils deviennent en nous, sang, regard, geste, lorsqu'ils n'ont plus de nom et ne se distinguent plus de nous, ce n'est qu'alors qu'il peut arriver qu'en une heure très rare, du milieu d'eux se lève le premier mot d'un vers.